Chapitre 33e, à fond de cale. Les hommes qui portaient la civière la déposèrent à fond de cale. La cale formait une vaste et haute chambre. Elle était à peu près vide, et quelques débris de poterie indiquaient seuls sa destination habituelle. Une vingtaine d'hommes debout se tenaient silencieux, immobiles, ne se doutant même pas que la péniche avançait. Quatre gros fanaux jetaient dans la cale leur lueur et éclairaient la paroi du fond, où, sur une sorte d'estrade, se trouvait le tribunal de Zigomar, dans l'appareil que nous lui connaissons. Zigomar et ses assesseurs, en cagoule rouge. Le vieux poilu était, sous le couvert du marinier, un affilié des aides, et en passant pour un brave marchand de poterie, un receleur et un contrebandier. C'est lui qui emportait dans son bateau les produits des vols encombrants commis par Zigomar. C'est lui qui leur faisait passer la frontière, par les canaux, et qui remettait les valeurs aux correspondants chargés d'en traiter la négociation. La péniche devait être la dernière barbotière. La barbotière flottante, qui ne se trouvait jamais à la même place, que certainement Paulin Broquet ne parviendrait pas à découvrir. La séance, donc, puisque la baleine devenait impraticable, dangereuse, allait avoir lieu dans la péniche, que traînaient le cheval et l'âne d'un pas très lent, dont la sonnerie des grelots marquait la cadence monotone. Zigomar fit un geste. Deux hommes en cagoule noire, alors, s'approchèrent de la civière et enlevèrent la toile qui la recouvrait. Le général Sobarov apparut. Il semblait plongé dans ce profond sommeil dont les habitants de l'au-delà le tiraient d'une façon si dramatique. « Réveillez-le !» commanda Zigomar. Un des hommes à cagoule noire, le 1, mit sur un mouchoir quelques gouttes du contenu d'un flacon qu'il tira de sa poche. Il plaça le mouchoir sous le nez du dormeur. L'effet se produisit immédiatement. Le général se réveilla brusquement, il se dressa sur la civière, qu'il prenait pour son lit de camp, et de tous côtés tourna des yeux pleins d'effarement, d'ahurissement. Il ne comprenait pas, ne devinait pas. Il ne savait pas s'il rêvait ou s'il était réellement éveillé. « Aussi, brute !» appela-t-il à tout hasard, d'instinct. La voix du général emplit grandement la péniche, mais ne la dépassa pas. Toutes les écoutilles étaient fermées. On sentait que la voix ne sortait pas, qu'elle ne pouvait pas être entendue du dehors, et on avait la certitude que tout tapage qui se ferait dans cette péniche, tout cri qui y serait poussé, tout appel, y demeurerait enfermé, et que les gens se trouvant sur les bords de Seine, voyant passer le chaland, n'entendraient rien, n'auraient aucun soupçon du drame qui se déroulerait dans ses flancs. N'entendant pas de réponse à son appel, le général se dressa furieux. « Ossip !» commença-t-il, et il allait faire suivre ce nom d'une série d'injures. Mais un mot, un ordre sec, vibrant, net, lui coupa la parole. « Silence !» Le général, surpris, furieux qu'on eût osé lui imposer silence, à lui, se tourna alors vers l'endroit d'où ce mot était parti. Alors il aperçut les cagoules rouges qui éclataient effroyablement dans la clarté des fanaux concentrés sur elles. Et le général poussa un cri d'épouvante. « Ossip ne viendra pas !» dit la voix partie, on ne savait de laquelle de ces cagoules immobiles. Ossip ne viendra pas et personne au monde ne pourra répondre à ton appel. » Les deux assesseurs en cagoule noire alors vinrent se placer de chaque côté du général, après avoir enlevé la civière. Le général les regarda de plus en plus stupéfait. « Général Sobarov, » reprit la voix après un moment de silence, « tu as été suffisamment averti, suffisamment prévenu. Tu t'es cru, comme là-bas, du temps de ta puissance, le plus fort, le maître. Tu n'as tenu aucun compte de ce que disaient les lettres lumineuses. Le moment est venu où tu vas te repentir de n'avoir pas obéi. » Mais le général, pendant les quelques minutes que dura ce petit discours, s'était ressaisi. Paulin Broquet lui avait démontré comment on se débarrassait des êtres de l'au-delà. La terreur superstitieuse avait disparu de chez lui. Il se sentait en face d'hommes comme lui, entouré d'ennemis, et ses cagoules rouges, avec leurs grands aides, n'étaient pas faites pour l'effrayer. Le général était brave. Il ne redoutait aucun homme, quel que fût l'habit qu'il revêtit, le déguisement sous lequel il se dissimula. Homme à homme, on se valait, et il pouvait, lui, affronter n'importe lequel. Alors il répondit « Allons, mon garçon, la plaisanterie a assez duré. »« C'est mon avis, » répliqua la voix. Zigomar fit un signe. Le 1 et le 2 s'approchèrent du général et voulurent s'emparer de lui. Mais le général les repoussa vivement d'un coup de poing. Il les envoya rouler de chaque côté, suffisamment endommagés. « Emparez-vous de cet homme !» commanda Zigomar. Le général était un colosse. Ses poings s'abattaient comme des massues sur les crânes, et les premiers qui le touchèrent tombèrent aussitôt à ses pieds. La bataille s'engageait. Le général maintenant se trouvait dans son élément, il était magnifique. On eût dit un lion se défendant contre une bande de chacals, tout en jouant des poings, des jambes, et nous savons le bon travail que faisaient ses bottes énormes. Il était venu jusqu'à la tribune derrière laquelle Zigomar et son conseil attendaient impatiemment que les aides fussent maîtres de ce forcené. Le général se tourna alors, les yeux pleins de flammes, la bouche écumante, brave, féroce, admirable, il cria « Bandit, Zigomar, je veux voir qui tu es, pour te reconnaître plus tard à l'heure de ma vengeance. » Avant que Zigomar ait pu se garer, il saisit la cagoule et la tira à lui. La cagoule se déchira, et le visage de l'homme qu'elle recouvrait apparut. « Grigoriski ! » cria le général. « Je savais bien que tu n'étais qu'un bandit. Grigoriski, c'est Zigomar !» Il allait bondir sur son ennemi, qu'une planche seule, recouverte d'un drap noir et formant tribune, séparée de lui. Mais, plus prompt, plus habile, plus jeune, Zigomar sauta par-dessus cette planche. Alors ce fut une lutte terrible, angoissante. Zigomar, souple sous la cagoule rouge, nerveux, paraissant mince et petit à côté du colosse, s'attaqua au général. C'était le torpilleur s'élançant sur un cuirassé géant. Le général frappait avec ses poings énormes, ses bottes massives. Il eût voulu écraser de son poids de mastodonte ce frêle ennemi, mais il ne le rencontrait jamais, ses coups formidables portaient dans le vide. Et soudain, il poussa un hurlement de douleur. Il n'attaqua plus, ne chercha plus à anéantir son adversaire, il essaya, mais en vain, de se défendre, de se dégager. En se tordant, tout en poussant d'effroyables cris de douleur, il revint en arrière, cédant, obéissant à Zigomar, qui lui tenait seulement un poignet. Et l'on vit un spectacle étrange, fantastique. Il peut paraître invraisemblable à ceux qui ne connaissent pas les combats, les luttes vraies, autres que celles des exhibitions de music-hall, entre adversaires s'en voulant et pouvant se servir de tous les moyens de lutte libre. On vit Zigomar tenant le général par un bras, qu'il tordait en sens contraire de la charpente du squelette, amené docilement à la masse hurlante et douloureuse du colosse jusqu'à une chaise de bois que les assesseurs venaient de placer au milieu de la cale. Puis, quand le général fut attaché solidement, par des cordes minces de chanvre triplées, souples et incassables, Zigomar abattit sa cagoule, se voila la figure et regagna simplement, tranquillement, sa place entre les quatre membres de son conseil. Alors les aides que le général venait de repousser, dont quelques-uns étaient fortement endommagés, les aides, enthousiasmés par cette manifestation de force, d'adresse, ensemble acclamèrent celui qui s'était ainsi affirmé, une fois de plus, le plus fort, le maître. Ils crièrent « Vive Zigomar ! À la vie, à la mort !» Zigomar simplement remercia d'un geste, puis il demanda le silence. Le général, attaché à la garotte que nous avons déjà vue fonctionner pour Paulin Broquet, dans la barbotière chez Zulma, continuait à hurler toutes sortes d'injures en russe, toutes sortes de menaces en polonais, de promesses, de représailles en français.